Attends deux secondes. Attends, ça va passer. Présenté par Melchior Mercure. Ouais, parle de moi, qu'est-ce que tu veux, en fait, tu sais la bite, merde, voilà. Ah oui, vous êtes bien sûr Cosmic Cassette, et pour ce deuxième numéro, on sera accompagné des enfants de 1989, des enfants que j'ai trouvés sur une cassette audio, et qui passeront de temps en temps nous faire un petit coucou avec leurs petits gros mots. Tout de suite, on commence avec Zyklon Beach et le morceau Ghost paru sur Inshallah Records, en coprod avec White Moon. C'était pour un split entre Zyklon Beach et Catholic Spray. Hey, set me free. je passe ça? Eh bien, en fait, c'était ma première cassette, celle que j'écoutais quand j'avais 6 ans, avec mon vieux Play School. Enfin, il était neuf à l'époque. Et voilà, j'avais envie de rendre hommage à Wanda Jackson, un morceau de 1961, donc réédité, enfin, en tout cas pour ce qui est de ma cassette, sur les tops du rock'n'roll chez EMI, et en 1990. Et qu'est-ce qu'ils ont à nous dire alors, ces gosses de la même époque? Denver, le plus con des dinosaures. Nanana, Denver, le plus con des dinosaures. Il va se faire sucer la bite parce que c'est un PD et c'est un arsenic. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Le gros vieux de Denver, il va sucer, il va sucer la bite des dinosaures de 140 ans, de 170 ans. Il va se péter, il va péter dans son cul. Il va péter dans son cul. Avec Paranoia's Really Close, un titre qui figure sur la cassette California etc. chez Rock'n'Roll Masturbation Records, qui est sorti en 2013 et que j'ai acheté il y a pas longtemps, au début d'année 2015, lors d'un concert au Periscope. Tout de suite, c'est Kids Are Dead avec le morceau Maya Properties, paru chez OSR Records en 2014. Sur la compile Music on Tape Songs by Chris Wiseman. Il semble que ce soit des reprises de ce gars-là. Thank you. qui s'enregistre. Allez, parle. Mais parle. Bettina Fabetta, Cosmi Cassette, a broadcast produced with cassette. of Negativity, un groupe américain des années 60. Alors ça vient d'une cassette que j'ai chopée, enfin que j'ai trouvée dans la voiture d'un pote. Et ça s'appelle sur la compile, comment ça s'appelle cette compile déjà? Calico Wall, Beyond the Calico Wall. Et c'est une compile psyché des années 60, édité en 90. Et il y a des morceaux de bon chelou dedans. Sur celui-là, il y a même des scratch cassettes. Commonly referred to as heaven by scholars, historians, religious men and the like, waiting for that moment when you drift out to the enchanted island of your mind. Mind. Mind. Concepts of hate and war melt like purple icicles in midsummer. Love is the secret password. Tarantulas transform into enlightened creatures. Their sting becomes a kiss of inspiration. The venom of the deadly rattlesnake is no longer that poisonous death nectar. This is heaven. Drops in mocha-flavored tears so sweet that cherry blossoms sprout up on asphalt parking lots. Snow becomes a layer of vanilla meringue frosting. Huge platinum wind chimes sing out to the tiniest freckled flea, to the sperm whales of illusion. Into its depths will reach new heights, heights unknown to man, where harmony coexists with reality. Life, that ephemeral daydream of yesterday's tomorrow, becomes an eternal force through the everyday battery in the soul. Days and nights merge through a celestial marriage into one phosphorus glow of non-stop reality. Cement jungles and the monoxide atmosphere you experienced on your last sojourn will cease to exist. God, peering down through his stained glass monocle, will steer you off the unmarked exit of life. Demons of negativity that knock on the pearly gates are kept out of the promised land by God's electric fence. Come, come with me into the next chapter of God's mystery novel. Fear not, brave warrior of doubt. Your inner clock has struck midnight. Say farewell to Earth, that day-glow nightmare of transparent dreams. For tomorrow shall be the first day of your eternity. De Demons of Negativity, édité chez Vox Records originellement. Et là c'est Velvet Davenport, un groupe qui a sur une compile qui n'a pas de nom, édité par je ne sais pas qui. Enfin la seule chose que je sais c'est que c'est un gars qui s'appelait Cyprien qui me l'a vendu alors qu'il était complètement bourré et que j'ai eu du mal à lui tirer des infos. C'est la première cassette de groupe indé que j'ai acheté. Je le remercie encore, ce Cyprien. Cette émission est produite par Nuevo Mundo Radio Pictures. Elle est disponible sur SoundCloud et Mixedcloud. Vive les casettes audio et la musique cool. Toi, qu'est-ce que tu fous